été donné comme la grâce qui a été donnée à Marie pour enfanter Jésus. Zaïna, je l'avoue, tu es ma chance. Dans ma vie d'amour, tu es plus que la bienvenue. Zaïna, si j'avais la terre comme propriété, je t'offrirais les chutes du Niagara sans hésiter. Comme ça n'est pas le cas, je t'offre la fin de ma vie. Parce que désormais mon cœur s'appelle Zaïna City. Sans que vous Jessica Kobima, ton nom est Israël en contact. Zaïna, tu es trop belle, ta beauté vraiment réelle. Tu es très sexy, ta démarche dans nos vies. Dieu après t'avoir créé, si elle vient lui-même, bravo. Zaïna, Soki, Bolimorayo, et Koti, Koti, baptise. Nata, mon Isaïe, la Kobo, et à tes promises. Oh, en toi déjà coule le miel. Oh, Atana, Nenya, Théâtre, Zaïna. Sakira, Tessina, Ron, Poto, Boyana. Makuluva, Boy, Rolwana. Boy, Ondio, Yébiba, conjugaison. Yaba, phrase, là, sans hésitation. Zaïna. Tokina, vous bisous. Yozongizaga. Tokina, vous bien, là. Yozongizaga. Tokina, vous bisous. Yozongizaga. Zaïna, bébé, la bébé, à ma mamie. Beauté, ma yo, Zaïna, universel. Loco, la colila. Partout, bali, la ta. Ine, ine. Ataya, Tchécoslovaquie. Ine, ine. Ataya, Hong Kong. Ine, ine. Atoya, Kathmandu. Ine, ine. Marihuana, Izamu, Kundina, Princesse Magoli Bata, Loba na Maman Gouli, Alexandra na Yves de Golondeli, Nzale à Karatrakas. Merci. Mon goma, moi, soyez vacan à votre téléphone. Que l'appareil de votre correspondant y soit éteint. Soit qu'il y ait de la qui, mon goma, n'a y a un zéna. Ne va téléphone, y'a ni malélinga qui qu'on se décharge à car. M'pobalinga qui aux allo yoka kango, m'pambam pamba. Yélinga qui aux allo créer la trouble à ma foyer. Zaïna yé. Babi, Pabola, Guillaume. Sans rien que sonorité, mon goma, n'a y a un zéna. Ça suffit pour qu'un artiste peintre les a retirés. Mon zéna yé. Yosaline, pas qu'on l'a mis en jamais. Yosaline, Steve Kongolo. Amadi, c'est pour Baba. Fontana, Yosal, qui va tirer la pochette à Disayendo. Kekwe, Banago, les catadisques, Yashakirai. Besoin à battre, tout à la vente de beauté photo. On peut battre la cabote, Nayo, Zaïna, Zaïna. Yosaline, Bagola, Nianzambi. Ingas KMS Export Télécamon à Paris Gavetemo Zaïna Okotanga Vremana Moutine Zaïna Okotanga Vrematina Tate Yando Boudin Yannick Pete Yamoreli. Allez, comme à ta Zaïna Madame, mon amour, Tantine, amour, Missa, la soque, mon yata, Missa, Pina, la macourou, et la Missa, la sentimana, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, Nyai madame mon amour, Osechka. Fantini à Saint-Germain-Stones, Osechka. Vaïna mon amour, Osechka. Hé, bana mère. Vous avez dit bandaza pour la zalaza pour la loi jamais vérité, mais affaire à Zaïna, c'est un mouvement. Ah, nous avons besoin de nous sortir de la vie. Vous avez dit que vous avez laissé vous là, vous avez laissé la Belgique. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit comme les gens voient ma lui colo ah nandimi ya solo vraiment on a moqué mon colo le mipo nani vous a au bout d'arabe mais de l'ondimi qui n'a moqué le colo n'a bien non vraiment zaina ila oui bien là oui bien vraiment hein azaïka et madame mon amour on a moqué Romi Oyo le mystérieux. Aïe, madame mon amour. Zaïna, mon amour. Zaïna, elle est française. La Bruxelles va tenir son animé. Va miner l'empé Bakobo. Bakonio Senga Bakoloni. Va tenir son animé. Vai vazou a chance a Walter T. Mas o Luca dublete na ilha. Sirikina, Simão de Manga Flores. Ele Mamputu, Magali Manga. Kili Babuti, Carla Kaslin Dior. Alain Finimi. Albert Mafungu, Nalequilu. Sirika Bamba, Palm Beach. Espelu Samba, Fanny Mwanza, Patricia Mwanza. Merci à Sasa, Judith Milton, Sébastien, Fabien Nomou, Madame mon amour, Osechita, Tantine Yamourinho, Osechita, Enganagan, Yanaka, Tumitino, Osechita.